إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكما مررنا في الخطبة السابقة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية والناس ينزلونها على غير منازلها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فيحسب أقوام أنها تنسخ الأمر والنهي وأنها تعاكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل ما أمر به الله رب العالمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهم أقوام ذلك واستشكل بعض الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك فسأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الفهم القويم وإلى الحق المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة خاصة لا ينفع فيها أمر بالمعروف ولا يجدي فيها نهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب لكل ذي رأي برأي فعليك يعني بنفسك ودعنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيه أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الخاصة والإنسان لا يكون مهتديا ولا يضره من ضله إلا إذا كان آخذا بدين الله رب العالمين ومن دين الله رب العالمين الأمر والنهي فإذا كان غير آمنا ولا ناه فإنه لا يكون مهتديا في حقيقة الأمر فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وإن لم تطاعوا فلذلك إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فهذه صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى ما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنه: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل حينئذ يا رسول الله؟ قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. فالنجاة إلزم بيتك، يعني إلا أن يخرجك ما يجب أن تخرج إليه، أو ما يندب أن تخرج إليه، إلا أن يخرجك سعي إلى الجمعة والجماعات والأعياد، إلا أن يخرجك سعي على الرزق تحصله حلالا لتطعم من ورائك وتطعم نفسك، إلا أن يخرجك عيادة مريض أو صلة رحم أو ما أشبه من ألوان المعروف مما يجب أو يندب، وإلا فالزم بيتك. وكما قال بعض السلف: إنما هو زمان إلزم مكانك وأخفيه، أخفي مكانك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، فلا يخرجنك إلا ما وجب أو ندب إليه، إلا ما أوجبه عليك الشرع أو ندب إليه. أما أن تكون خراجا ولاجا فهذا أمر لا يؤدي إلى النجاة بحال. الذين يتسكعون في الطرقات، والذين يلزمون الجدران، والذين يخبطون على غير هدى، الذين يقتلون أوقاتهم ورؤوس أعمارهم على مذابح الفراغ، أولئك لا يحسنون صنعا، وإنما يسعون في الأرض فسادا، والله رب العالمين لا يرضى أن يبدد العبد رأس ماله وهو مسؤول عنه. سيسأل عن عمره جملة، ويسأل عن شبابه خاصة. يسأل عن المال سؤالان، كما يسأل عن العمر سؤالان، يسأل عن عمره في جملته، ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. إذا كان هذا بنسبة الرجال فكيف النساء؟ والمرأة خراجة ولاجة، تخبط في الأسواق وتظهر المفاتن كما سيأتي بوصف نساء آخر الزمان. وإلى الله المشتكى: يا أيتها الأمة المرحومة، ليس هذا بشأنك فارجعي، إنما شأنك أن تلزم الجادة وأن تكون على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال أبو بكر رضوان الله عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذ على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. فاللهم سلم وأرحم وأنت أرحم الراحمين. في هذا الزمان صارت المعاصي شائعة ضائعة، لا تجد ناهيا ولا تجد بالمعروف آمرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا كالذي مر فاعقله وفقه، وفقك الله لكل خير. وعند الشيخين في صحيحيهما برواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل

والوقوف عند حدوده وعدم التجاوز ما نهى عنه والانزجار بزواجره والاتعاظ بمواعظه والنظر في قصصه من أجل استجلال العبرة من الأمم السالفات المكذبات، كله توحيد. فليس القصد منه أن يرتله النشو المخضوعون يغنون ويظنون أنهم يحسنون صنعا ولا يعملون بحرف فيه إلا من رحمه الله رب العالمين. وأخرج أحمد والحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبدة. قالوا: وما الرويبدة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، لا يحسن في الحياة شيئا إلا أن يخبط في دين الله بغير علم، يصف الطريق ويعابده بزعمه للسالكين إلى الجنة، وإنما يعابده للسالكين إلى النار. علماء السوء الذين قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس على الجنة بأعمالهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant soumis, qu'en étant musulmans, qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et Allah vous éduquera. Craignez Allah et Allah vous donnera la clairvoyance et la bonne compréhension de la religion. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut. Et que la meilleure des voix est la voix, la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toute chose inventée dans la religion d'Allah, afin de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé, tout cela sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, dans la khutbah précédente, nous avons abordé l'explication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset: « Ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même, et ceux qui se sont égarés ne peuvent vous nuire en rien si vous avez pris la voie droite, si vous avez été guidés par Allah Azza wa Jal. » Ce verset, lorsque il fut révélé, les sahaba se posèrent des questions quant à l'un des attributs du croyant, qui est d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc ils sont partis questionner le prophète. Abu Tha'lab al-Khushani radiallahu anhu est parti questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset, et il lui a donné la bonne explication. Mais ordonner le convenable et interdisez le blâmable. Et il leur a expliqué que ce verset: vous êtes responsable de vous-même. Ordonner le convenable et interdire le blâmable, il y a des cas qui ne pourront pas s'appliquer. Mais malgré cela, le musulman, la musulmane, se doivent d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Mais ceci ne fonctionnera pas, malgré que l'on a ordonné le convenable et interdit le blâmable, ne fonctionnera pas pour ceux qui suivent leur passion et ceux qui considèrent qu'ils sont trop intelligents pour recevoir les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui considèrent que leur raison, qu'avec leur raison, qu'ils ont un cerveau, qu'Allah leur a donné un cerveau, et donc c'est pour réfléchir en écartant les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah. On se doit de craindre Allah azza wa jal comme il se doit. Ces individus-là, ceux qui suivent leur passion, l'ignorant, lorsqu'on lui rapporte la preuve, il l'accepte et l'applique et se repent. Tandis que celui qui suit ses passions, et tandis que les gens de l'innovation, vous pouvez rapporter toutes les preuves que vous voulez. Ça ne fera aucun effet. Car il est convaincu de son égarement. Lorsque vous verrez les gens suivre leur passion et considérer que leur raison leur suffit, alors tu es responsable de toi-même. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ordonné le convenable et que tu as interdit le blâmable, tu es responsable de toi-même de faire en sorte que ce que tu as ordonné, tu ne le contredis pas, et que ce que tu l'as interdit, tu ne le fais pas. Vous êtes responsable de vous-même. Dans le hadith authentique rapporté par Ahmed, Ibn Majah, Abu Daoud et Nasa'i, selon Ibn Amr, ce qu'il a dit, alors que nous étions assis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionna alors les fitan, les troubles qui se dérouleront, en disant, si vous voyez les gens ne pas tenir leurs promesses et leurs pactes, et qu'ils ne respectent plus le dépôt, amen, ils ne respectent plus le dépôt, et qu'ils sont dans un état déplorable, Ibn Omar se leva et dit, que devrais-je faire alors quand cela arrivera au messager d'Allah? Il répondit, tiens-toi à rester chez toi, retiens ta langue et prends ce que tu connais et délaisse ce que tu trouves détestable et sois responsable de ta personne et délaisse les gens de la masse. Le fait d'être sauvegardé et de s'en tenir à rester chez soi et que tu ne sortes que pour la prière en groupe et les sermons du vendredi ou visiter un malade. Barakallahu fikoum, essayez de rapprocher, bloquez pas la porte. Barakallahu fikoum, laissez la chaise dehors, il y a de la place devant, essayez de vous rapprocher, barakallahu fikoum, afin que ceux dehors puissent entrer. Le fait d'être sauvegardé de ces troubles et de s'en tenir à rester chez soi et que tu ne sortes que pour la prière en groupe, les sermons du vendredi ou visiter un malade ou sortir travailler dans le licite afin de nourrir ta famille avec le licite et de nourrir tes enfants avec le licite. En dehors de cela, ou bien participer pour les fêtes musulmanes, Salat al-Aïd, ou le sacrifice du mouton, lors de l'Aïd al-Akbar. En dehors de cela, reste chez toi, et tiens-toi chez toi. Et ne sois pas de ceux, comme on peut le voir très souvent, qui tiennent les murs. Et ne sois pas de ceux qui tiennent les murs, en train de faire passer leur temps dans rien, en attendant que le temps passe, ignorant tout de la religion d'Allah, ignorant leur but dans cette vie. Ils passent leur temps à tenir les murs, à dévisager les passants, à regarder les hommes et les femmes passer, et à ne dire que uniquement ce qui peut leur nuire, tels que des insultes, des gros mots. Et vous savez tous serviteur d'Allah, que une discussion qui a eu lieu entre des musulmans, dans lequel ils n'ont ni mentionné un hadith, ni un verset d'Allah, le jour de la résurrection sera un regret pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'une assise dans laquelle ni un verset, ni la parole d'Allah est mentionnée, ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, c'est comme si qu'ils se sont réunis autour d'une jifa, d'un animal qui a été tué en dehors du sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tué selon le rite islamique. Ils se sont réunis autour de cela, en train de manger cela. Et ce sera des regrets le jour de la résurrection. Donc tous ces individus qui ne savent pas quoi faire de leur temps, alors que le temps est une chose qui est très importante, qui a un prix énorme, et l'individu comprend ce prix lorsque il commence à rendre l'âme et commence à regretter tout le temps qu'il a passé dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Donc tous ces individus se tenant contre les murs et faisant passer leur temps pour passer leur temps, cela ne font que semer la corruption sur terre. Et également s'asseoir dans les cafés où l'alcool est servi et un tel fume. Ni ils ordonnent le bien, ni ils interdisent le blâmable. Et il rentre chez lui avec des odeurs de cigarettes. Donc si dans une assise, un individu vient pour fumer, et tu ne l'interdis pas, tu es complice dans le péché. Si un individu commence à sortir sa cigarette pour fumer, et que tu l'interdis, mais malgré cela, il veut fumer, alors tu quittes cette assise. Alors, la sauvegarde de tout cela, de tous ces maux et de tous ces problèmes, reste chez toi. Ne sors que lorsqu'il y a une nécessité à sortir. L'homme sera questionné sur son temps en général et sur sa jeunesse en particulier. Dans quoi il l'a passé ? Et dans son argent, d'où il l'a eu et où l'a-t-il dépensé? Si cela est chez l'homme, qu'en est-il chez la femme qui ne souhaite que sortir et semer les troubles dans les rues en se mélangeant aux hommes et en étant habillée mais nue? Il a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit: « Oh vous les gens, vous lisez ce verset mais vous ne lui donnez pas sa signification correcte. Vous êtes responsable de vous-même. Nous avons entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si les gens voient un oppresseur, un injuste, mais ne l'empêchent pas de commettre ce mal, il se peut qu'Allah les couvre tous d'un châtiment. Et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas un peuple dans lequel des désobéissances à Allah sont faites, alors que des gens peuvent interdire et changer ce peuple, mais ils ne le font pas, alors il se peut qu'Allah les couvre tous d'un châtiment. Demandons à Allah Azza wa Jal d'avoir miséricorde sur nous et de nous raffermir dans sa religion et qu'il nous guide tous sur sa voie prophétique. Dans ces temps-ci, les troubles ne cessent d'augmenter et rare est de trouver celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Selon les Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: après vous arrivera les temps de la patience. Et pour ceux qui s'accrochent à leur religion, alors recevra la récompense de 50 martyrs parmi vous. Et il s'adresse aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci comme nous l'avons détaillé et expliqué la semaine dernière. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de la fin des temps et que la science, le savoir sera enlevé, l'ignorance apparaîtra, la fornication sera répandue, le vin sera consommé et les hommes diminueront, le nombre d'hommes diminuera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, lorsqu'il dit que la science, le savoir sera enlevé, c'est ce que l'on trouve aujourd'hui, un individu, un inconnu qui ouvre sa chaîne YouTube et qui se filme dans son salon ou qui se filme dans une mosquée afin d'égarer les gens en parlant selon sa raison, selon ses passions, selon sa vision des choses et prétendant que ça, c'est l'islam qui est gentil, qui est moderne, à croire qu'il y a un islam méchant, un islam gentil. Ou un islam taillé sur mesure en fonction de ce que les gens aiment. Il veut avoir une assise, il veut avoir des gens qui l'écoutent, donc il va essayer de rechercher leur agrément. Il ne va pas rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Dis la vérité, même si elle dérange. Dis la vérité, même si elle dérange. Ne sois pas un lâche, ne sois pas un traître, ne sois pas celui qui ment sur Allah Azza wa Jal et sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'embellir les choses pour les gens et de les égarer de la droiture. L'ignorance apparaîtra. Les gens ne rechercheront même plus à s'éduquer dans la religion. Et aujourd'hui, lorsque il y a des kofars, si vous leur posez la question, avez-vous entendu parler de l'islam? Mais bien sûr, ils vont vous dire. Aujourd'hui, il suffit que tu allumes la télé, c'est partout. Connaissez-vous le message de l'islam? Et là, on se rend compte qu'ils ne connaissent rien de l'islam. Le message en lui-même de l'islam, ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent à travers ces prédicateurs aux portes de l'enfer, dont leur da'wah est de dire aux gens que le Coca-Cola est haram, et etc., etc. À croire que ceci est le but d'envoi des messagers? La ilaha illallah. L'ignorance apparaîtra. Si les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur religion, ne s'éduquent pas dans leur religion et ne l'appliquent pas, comment voulez-vous transmettre cette religion à vos voisins, à l'environnement qui nous entoure, dans lequel nous sommes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné, la fornication sera répandue. Et on se rappelle d'un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a mentionné que même les yeux forniquent, même la langue, même les oreilles, même les mains, même les jambes, seules les parties génitales rendent véridique ceci ou le démentent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans ce hadith que le vin sera consommé, comme nous entendons aujourd'hui des du'at ala abwab jahannam qui essaient de dire aux gens que il n'y a pas de problème à consommer du vin. Alors que ceci est haram dans le Coran et dans la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et un rappel également pour ceux qui aiment s'asseoir dans les cafés, que la malédiction d'Allah, la malédiction lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah azza wa jal en disant que la malédiction d'Allah soit sur un tel, ou qu'Allah maudit un tel, c'est-à-dire que cette personne-là qui pratique cette chose-là, est expulsé de la miséricorde d'Allah. Turida min rahmatillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui produit le vin, l'alcool, qui le sert, qui le consomme, qui s'assoit sur la même table dans laquelle les gens le consomment, dans l'endroit où les gens le consomment. Et il y a une série d'individus qui sont concernés dans ce hadith-là. Parmi celui qui le vend, qui le transporte, qui le cueille. Qu'Allah nous en préserve. Et les hommes diminueront. Le nombre d'hommes diminuera dans ce hadith qui nécessite une explication. Comme les savants de la sunna l'ont expliqué, c'est que les naissances de filles augmenteront. Les naissances de filles augmenteront. Et qu'il y aura moins d'hommes. Mais les hommes... Également, les hommes qui sont des hommes. Les hommes qui sont des hommes. Et non des hommes qui sont masculins. Il y a une différence entre un homme qui est un homme et un homme qui est masculin. Jusqu'à aujourd'hui, avec leur théorie et tout ce qu'ils bassinent autour de cela, un individu ne sait même plus si c'est un homme ou si c'est une femme. Parce qu'on en arrive au troisième sexe. C'est-à-dire, il n'est ni un homme ni une femme. Ou il peut être une femme devenir un homme, une femme devenir un homme, le nombre d'hommes diminuera. Dans le hadith rapporté par Muslim, selon Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapprochez-vous encore, inshallah, il y a des frères qui ont besoin de s'asseoir, barakallahu fikum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Des gens qui ont des fouets, avec des queues de vache, avec lesquelles ils frappent les gens. Et des femmes habillées, mais nues, qui font pencher les gens et elles-mêmes penchent. C'est-à-dire, elles penchent vers la désobéissance et font pécher aussi les gens vers la désobéissance lorsqu'ils la voient. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Le sens est qu'elles grossissent leur tête avec leurs cheveux ou soit qu'elles se rajoutent des cheveux. Et c'est comme aujourd'hui, on a un nouveau type de hijab. Le hijab al-mutabarrij. Elle a un voile au-dessus et on voit tout en dessous. Elle a un voile au-dessus et il y a toutes les formes qui sont visibles en dessous. Et par la grâce d'Allah, nous remercions Allah Azza wa Jal qu'ils interdisent ce qu'ils ont sorti dernièrement, le burkini, qui ceci n'a rien à voir avec la législation d'Allah Azza wa Jal et qui est en totale opposition avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Ces femmes, au lieu de rester à essayer de faire bronzer leur visage et leurs mains au soleil avec des vêtements qui sont complètement collés à leur corps, elles se doivent de craindre Allah et de s'occuper de leur demeure, au lieu de délaisser leur demeure dans tous les états. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et al-Tabarani, dans son livre al-Kabir, al-Bukhari dans al-Tarikh, le hadith est authentique. An Abis al-Ghifari radiallahu anhu, il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, œuvrez avant que n'arrive six choses. Œuvrez avant que n'arrive six choses. Imarat al-Sufaha, des gouverneurs qui sont mauvais et injustes. Wa kathrat al-shurat, le fait qu'il y a une augmentation des forces de l'ordre, de police, des indicateurs, etc. Wa qati'at al-rahim, que les gens vont couper les liens de parenté. Wa bay' al-hukm, que les gens vont vendre le jugement pour un bien ou un bénéfice dans ce bas monde. Et que les gens vont rendre, que les gens vont rendre le prix du sang comme étant léger, qui ne vaut rien. Comme dans notre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par l'augmentation du harj. Et le harj, ils ont dit, qu'est-ce que le harj au messager d'Allah? Il a dit, les tueries. Jusqu'à ce que celui qui tue ne sait pas pourquoi il a tué. Et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. Comme on voit aujourd'hui, par ces individus qui suivent le sentier du diable, qui posent des bombes ici et là, en tuant des innocents, en tuant des individus comme ça dans la masse, en suivant la sunna du shaitan, la voie du diable, et se prétendent être dans un jihad, nous dirons, oui, ils sont dans le jihad du sentier du diable, et non dans le sentier d'Allah, Azza wa Jal. Et enfin, le sixième point, et certaines personnes vont se mettre à rendre le Coran comme de la musique. Ils vont faire avancer la personne qui va diriger la prière, non pas celui qui a le plus de savoir, plus de science parmi eux, mais ils vont mettre celui qui a la voix qui va leur faire chantonner le Coran. Ils chantonnent le Coran, mais ne l'appliquent pas. Il récite en lui donnant comme de la musique, alors qu'il ne l'applique pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé le Coran pour les morts. Comme on voit ces innovateurs se ruer vers les morts lorsqu'un individu meurt, et ils vont lui réciter Sourate Yassin et Sourate Al-Mulk. Allah Azza wa Jal ne l'a pas révélé pour les morts, mais pour les vivants. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, afin d'avertir ceux qui sont vivants, afin que celui qui est vivant comprend la parole d'Allah, comprend le message et l'applique et invite les gens à cela. Et non pas celui qui est mort, qui ne t'entend même pas, dont toutes ses œuvres sont stoppées, et ils se tiennent sur un hadith qui est daïf concernant Sourat Yassin pour réciter le Coran aux morts. Donc, ces individus vont se mettre à chantonner le Coran. Alors que le Coran, on doit méditer dessus. On doit comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. On doit appliquer. Les sahaba ne mémorisaient pas 10 versets. Ils mémorisaient des versets, ne passaient pas aux 10 suivants sans avoir compris pleinement les 10 versets qu'ils ont mémorisés et appliquer ces 10 versets qu'ils ont mémorisés. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils ont compris, ils ont mémorisé, ils ont appliqué, alors ils passent aux 10 suivants. Et non, aujourd'hui, des écoles s'ouvrent et puis mémorisation sur mémorisation. Et celui qui dirige la prière ne sait même pas ce qu'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni ne sait ce qu'est le message de l'islam. Comment veut-il inviter les gens à l'islam s'il ne connaît pas lui-même le but d'envoi des messagers? Nous demandons à Allah azza wa jal de nous guider tous sur la voie prophétique et de nous augmenter notre savoir. On demande à Allah azza wa jal de nous augmenter notre crainte envers lui. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Craignez Allah et Allah vous éduquera, vous donnera la clairvoyance, la bonne compréhension de la religion. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui dont Allah lui veut du bien, lui donne la bonne compréhension de la religion. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma a'tayt tabarak rabbana wa ta'alayt. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.